Une exposition de photos, le soleil et la bonne récolte, s'est ouverte le 1er décembre au Palais de la Culture du Peuple à Pyongyang, à l'occasion du 8e conférence de l'Union des travailleurs agricoles de Corée. Au service d'ouverture ont participé des cadres intéressés, des permanents de l'Union et des agriculteurs.